Et nous retrouvons Jérôme qui vient d'arriver. Salut. Alors, pour cette avant-dernière séance sur le festival, en fait, l'idée, c'était de vous présenter en fait, le dernier projet du label, parce que là, on va toucher à un autre endroit qui m'intéresse au travers du disque. C'est l'idée que l'X puisse faire une exposition, voire une archive d'exposition, voire les deux. Là, c'est un projet, je vais essayer de faire rapide, qui s'était fait au Centre d'art de la Maréchalerie à Versailles, qui a la particularité d'être dans une école d'architecture. Et donc c'est un projet qui a touché cette question-là sous la forme d'une invitation particulière à un récit autour d'une maison considérée comme une maison qui devait accueillir les esprits. Cette maison, elle est connue, elle est à Santa Rosa, qui est l'actuel siège de Google et de toute la bande, qui est la maison de Sarah Winchester. Sarah Winchester était une femme mariée à une famille, enfin son mari en tout cas, était donc cette fameuse famille qui a produit et créé la carabine Winchester. Donc c'était un mariage de la plus colossale industrie de l'armement qu'on pouvait connaître à cette époque. Et cette histoire est assez étonnante, c'est vraiment une histoire américaine. Elle va être veuve, elle va avoir beaucoup de drames au début de cette histoire avec son mari. Elle va devenir donc veuve, elle va avoir la moitié de la fortune des Winchester, ce qui fait d'elle la première femme milliardaire au monde tel qu'on la connaît. C'était pas un homme, c'était une femme. Donc Sarah Winchester se retrouve avec cette somme colossale, mais totalement démunie, plus d'enfants, plus de mari, plus rien. Et nous sommes en plein début du spiritualisme, donc du spiritisme. Et évidemment, à cette époque-là, y a des gens qui sont passés la voir en lui disant « Mais madame, ce qui vous arrive, c'est absolument normal. Vous êtes, en fait, vous subissez une malédiction liée à la carabine, parce que tous les esprits, à la fois des Indiens et des animaux... » Hein ? Liée à la quoi ? J'ai pas compris. À la carabine, Winchester, qui a tué autant d'Indiens que de bisons. Pardon. Donc ça faisait du monde. Et on lui disait, alors, donc ça fait partie de cette espèce de légende urbaine, on lui disait que pour se sauvegarder de ses esprits, il fallait qu'elle construise un endroit pour les accueillir. Elle se trouve à suivre la colonne du chemin de fer, qui va suivre le Morse, etc. Donc c'est quelqu'un qui va aussi suivre les technologies de l'époque et va commencer à construire une espèce de maison sans fin. Puisque le but de cette maison, c'était à la fois d'accueillir ses esprits, mais aussi de s'en protéger. Donc elle va produire une espèce d'objet qu'elle va déconstruire en permanence. Et ce qui m'a intéressé dans ce récit, c'est comment elle faisait pour penser et imaginer les dessins, les structures. Et on pense qu'elle se mettait sous hypnose. Et il y a donc des dessins qu'elle sortait d'une pièce. Elle disait que c'était les esprits qui donc lui donnaient les moyens de construire cette maison. Parce qu'elle se disait, tant qu'à me protéger d'eux, autant leur demander à eux comment la construire, cette maison. Cette maison existe réellement, elle est visitable. Il en reste à peu près un tiers, puisqu'elle a subi le tremblement de terre de Los Angeles, de San Francisco, en 1913. Et donc il y a des trous béants, en fait, dans l'architecture, qui ne sont pas en noir. Et la caractéristique principale de cette architecture, c'est que c'est vraiment un meta-building, c'est-à-dire que c'est une pure projection de l'esprit, avec toutes ses angoisses. Et on est aussi au début du siècle de la psychanalyse. Donc c'est assez étonnant, c'est que cette femme, sans réellement le savoir directement, mais de manière totalement inconsciente, elle va accumuler à la fois toutes les recherches, toutes les avant-gardes, toutes les expériences qu'il peut y avoir dans cette fin de 19e siècle, au travers de cette maison. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai donc travaillé autour de ça. Et dans cette exposition que j'ai réalisée, j'ai fait apparaître un objet à une certaine échelle, à l'échelle d'un lieu, donc presque une échelle américaine. Et il y avait entre autres un dispositif avec un gramophone des Frères Lumière de 1920, qui est une machine qui est assez étonnante parce que c'est une des premières machines où il y avait un pavillon en papier qui faisait qu'en fait, on pouvait entendre le son à 360 degrés. Donc ce qui était assez beau, c'est que pour moi, c'était un peu, ma table aux esprits. Donc on pouvait écouter un disque qui étaient gravés spécialement. Et sur ces disques, en fait, j'ai fait un travail avec les étudiants d'architecture en les mettant sous hypnose. Avec une professionnelle qui s'appelle Marie Lizel. Et avec cette professionnelle, l'idée, c'était, au lieu de dessiner des objets, des espaces, des habitats, etc., c'était de les raconter sous un état second. Et voir comment ces architectures apparaissaient en eux, etc. Et donc, j'ai enregistré ces séances, qui duraient à peu près une heure et demie par personne. J'en ai récupéré à peu près 3-4 minutes, parce que c'était le temps que je pouvais mettre à ma disposition sur un disque à 78 tours. Donc, c'est une séquence assez courte, dans laquelle on va avoir comme ça des formes qui vont apparaître, racontées par trois étudiants, trois étudiantes. Et c'est assez étonnant, parce que j'ai des histoires très différentes. Et ce qui était assez beau dans le dispositif, c'est que c'était un disque assez fragile en PVC. Donc quand l'aiguille nous fait permettre d'écouter, donc il y avait une action, fait que vraiment que le public écoute, remonte le mécanisme de la machine, puisse entendre le disque, et bien plus on écoutait le disque, plus on spectralisait la voix, puisqu'on effaçait en fait la surface. Parce qu'évidemment, vous pouvez imaginer, c'est une espèce de clou. Hein. Donc plus on lisait, plus on gommait en fait la surface, et plus on spectralisait les voix, et plus on leur donnait une espèce d'histoire qui allait commencer à se confondre avec celle énoncée avec Sarah Winchester et de son époque. Voilà. Pour faire vraiment très condensé. Et suite à cette exposition, il y a toujours un petit peu un reliquat pour produire un objet. Et là, j'avais donc envie d'en faire un disque. Donc ce disque est devenu une espèce d'endroit comme ça qui catalyser un petit peu toutes ces expériences. On va avoir un journal, on va avoir effectivement le disque avec les extraits retravaillés, puisque ce que je vais vous faire écouter, en fait, il y a une nappe derrière les voix, qui est en fait un harmonica de verre sur lequel j'ai travaillé, parce qu'il se trouve que Mesmer, qui était un peu à l'origine de le travail sur l'hypnologie, donc qui a été un des premiers personnes qui hypnotisait, à l'époque on appelait ça du magnétisme animal, Mesmer faisait accompagner ses séances de baquet, où les gens venaient comme ça se mettre en état second, par du l'harmonica de verre, et c'était joué par des femmes. Voilà. Et peut-être qu'il y a aussi des éléments dans cet espace de rêve que vous ne désirez pas garder. La petite appréhension, là, tout au fond, allez la prendre en inspirant et puis soufflez-la à l'extérieur de votre espace de rêve. Qu'elle rentre, j'arrive pas à lui donner une forme. Je ne sais pas si elle a tourné. Elle était très épaisse, très rugueuse. Et petit à petit, elle tourne. Elle est beaucoup plus lisse, et comme beaucoup plus fragile. À l'extérieur, elle continue de m'entourer. Mais à l'intérieur, c'est moi qui la protège. Comme on est accroché, elle a pu s'agrandir sans que je bouge. Elle a gardé la même forme. Elle s'agrandit juste. À l'intérieur, elle a tendance à s'enrouler, mais sans jamais que ça soit plus petit. Sans qu'il n'y ait jamais de fin, et sans vraiment le vide au milieu se resserre. J'aimerais comprendre comment elle fait pour s'enrouler sans jamais se resserrer. C'est comme si elle se dilatait. Elle arrive à continuer à tourner sur elle-même. Parce qu'au moment de rentrer dans mon dos, elle est aussi rentrée dans une autre substance, plus gélatineuse. Elle est à l'intérieur de moi. Non, elle vient occuper tout mon corps, finalement. Et toujours entre mon bassin et mes aisselles. À l'extérieur, c'est beaucoup plus rugueux. Il y a toujours les picotements. Ils ont progressé. Ils sont arrivés sous le menton. Je ne sais pas pourquoi cette maison n'est qu'une suite de murs. Et même s'il n'y a pas de toit, Je suis à l'abri. Elle me maintient dans une position qui ne me permet pas de bouger et qui tient à distance tout ce qui peut m'entourer. Je suis plus connecté avec l'extérieur de mon corps qu'avec l'intérieur. Elle s'est arrêtée. Oui, elle a arrêté de grandir. Elle s'est figée. C'est beaucoup plus poreux. Surtout à partir de mon dos. Elle est comme beaucoup plus fragile. De la renforcer ou alors qu'elle rechange d'état. Parce qu'à la base de mon dos, elle a tendance à être de plus en plus ajourée. On perd les rainures. C'est comme si les rainures s'étaient vraiment rapprochées. Pour finalement se redilater. Et en s'ouvrant. Merci beaucoup Jérôme pour cet extrait. C'est un peu frustrant de devoir arrêter parce qu'on aurait envie de s'y plonger un peu plus et puis d'écouter aussi les autres récits. Je prends les juste pour dire juste quelques secondes, c'est que là c'est Mathias et Mathias fait de l'auto-hypnose, il ne le savait pas. Donc là, il est sous état, on a mis 2 heures pour le sortir, il est devenu la maison. C'est-à-dire tout ce qu'on entend, il se transforme en la maison. Complètement. Ses gencives deviennent la fenêtre et tout son corps se transforme en la maison. Et ça a duré une heure et demie. On a mis 2 heures pour le sortir. Ça fait un peu peur. Hein. Ouais, c'est un peu particulier. Et on en était très étonnés. C'est là où j'étais très content d'avoir été avec une professionnelle, parce que je ne sais pas comment je m'en serais sorti tout seul. Et sinon, j'ai aussi un Indien. J'en ai un qui n'a jamais voulu rentrer dans la maison. Ça ne l'intéressait pas. Il est resté dans la forêt. Il s'est transformé en cerf.